avec un piastre. T'as retourné, tenu dans la rue avec ton bill de 250 piastres. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours avec 250 piastres? Oh! Qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours avec 250 piastres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand même des beaux bonhommes. Fait que on a commencé à prendre des photos de nous autres, pis c'est hot, c'est vraiment beau, ça sort bien. On se sentait comme des stars de rock.